إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 4 aujourd'hui dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir, Sharh Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah. Et Alhamdulillah, on est à Toronto aujourd'hui, mais on profite quand même du temps qu'on a le matin pour faire les durus en français, Inch'Allah, entre nous, pour profiter du temps, puis en même temps pour qu'on fasse quelque chose qui est bénéfique. Le chapitre qu'on va lire maintenant, c'est Bab Zikrul Kibr. Babun Zikrul Kibri. Subhanallah. L'arrogance, l'orgueil, hein, et à quel point c'est un grand péché dans l'islam. Il dit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Qawlullah ta'ala, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Et il dit aussi, Wa qawlullah ta'ala, Fala bi'sa mathwa al-mutakabbirin. Fala bi'sa mathwa al-mutakabbirin. Donc, le Cheikh, il mentionne ces deux versets. Le premier verset, c'est le verset 36 dans Surat An-Nisa. Et, yani, le verset en question, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas celui qui est fier, arrogant, et qui est orgueilleux, arrogant, fier. Et dans l'autre verset, la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas celui qui est arrogant, fier. Et également dans l'autre verset, le deuxième verset, c'est dans Surat Luqman, verset 18. Et le dernier verset qu'il a cité, le verset 29 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Quelle mauvaise destination que celle des mutakabbirin, ceux qui s'enflent d'orgueil. » Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce que c'est Al-Kibr, qu'est-ce que c'est l'arrogance, qu'est-ce que c'est l'orgueil, la fierté. Il dit « Al-Kibru min afati al-qalbi wa min a'malihi, fal-kibru huwa at-tarafu' an qabul al-haqqi wa at-tarafu' ala al-nas. » Donc la fierté, c'est quoi? L'arrogance, l'orgueil, c'est quoi? C'est parmi les péchés du cœur et les défauts du cœur. Et les actions du cœur aussi. Et donc, c'est un péché qu'on fait par le cœur. On a expliqué au dernier cours qu'il y a des kaba'ir qu'on fait avec le cœur et d'autres avec le corps. Hein? Et que les plus dangereux parmi les kaba'ir, c'est les kaba'ir, les grands péchés qu'on fait avec le cœur. Parce que les grands péchés qu'on fait avec le cœur, ils vont nous pousser à faire des kaba'ir avec notre corps par la suite. D'accord? Donc, c'est plus grave. Et donc, un des grands péchés qui amène à d'autres péchés, c'est un des péchés du cœur, c'est Al-Kibr. Hein, regardez par exemple Iblis, la'anahullah, comment Al-Kibr l'a poussé jusqu'à ce qu'il tombe dans le kufr, hein, par la suite. Donc, Al-Kibr, le Cheikh il explique, il dit « Al-Kibr huwa at-tarafu' » L'orgueil, la fierté, c'est le fait de s'élever d'accepter la vérité. Tu t'élèves, tu te remplis de fierté et d'orgueil au point que tu refuses d'accepter la vérité. Et tu t'élèves au-dessus des autres, comme si toi tu étais meilleur, comme si tu étais plus haut, plus élevé. Et il dit, وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَالْكُفَّارُ إِنَّمَا كَفَرُوا وَرَفَضُوا اتِّبَاعَ الرُّسُلِ مِنْ بَابِ الْكِبْرِ وَالتَّرَفُعُ فِي أَنفُسِهِمْ. Donc, il dit, le cheikh, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les gens qui s'élèvent, qui se remplissent d'orgueil, qui sont fiers. Et il dit que les kuffars, ils ont uniquement rejeté la foi, ils sont tombés dans le kufr, parce qu'ils ont refusé de suivre les messagers par rapport à la fierté et l'orgueil et l'arrogance. Les messagers leur sont venus et ils leur expliquent qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a transmis comme révélation, puis les messagers leur disent maintenant vous devez nous suivre parce que on a un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ordonné de vous transmettre ce message, maintenant vous devez nous obéir et nous suivre. Les autres, parmi les hommes qui entendent le message du messager et qui s'enflent d'orgueil, ils refusent de suivre le messager et ils commencent à chercher des excuses et des prétextes pour ne pas le suivre. Donc ils vont dire par exemple mais pourquoi on te suivrait toi, pourquoi on t'obéirait à toi, t'es un être humain comme nous, et des choses de ce genre. Donc ils refusent de suivre le messager, ils s'enflent d'orgueil et ils s'élèvent en eux-mêmes. Alors le cheikh il dit, وقال الله تعالى يصف ترفعهم يصف ترفعهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. Il dit, eux, Allah subhanahu wa ta'ala décrit comment ils se sont élevés en eux-mêmes et ils disent par exemple comme le verset 10 dans sourate Ibrahim, إن أنتم إلا بشر مثلنا. Vous les prophètes, les messagers, vous êtes des êtres humains comme nous, pourquoi on devrait vous obéir, pourquoi on devrait vous suivre? C'est ça qu'ils disent aujourd'hui les koufars, qu'ils refusent de suivre la religion. Ils disent pourquoi on devrait suivre la religion, c'est des êtres humains comme nous qui l'ont amené, c'est des êtres humains comme nous qui l'ont inventé comme ils prétendent, les koufars. Donc c'est l'orgueil qui les fait dire ça, c'est l'arrogance qui les fait dire ça, c'est le refus de se soumettre à Allah et d'accepter que Allah subhanahu wa ta'ala puisse transmettre la vérité par l'intermédiaire d'un être humain. Il dit ensuite, وقال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وهكذا يترفعون عن الحق ويتكبرون على الرسل عليهم الصلاة والسلام ويتكبرون على ربهم عز وجل. Donc ils disent quoi? Comme c'est mentionné dans le verset 124 dans sourate Al-An'am, 124 dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il cite les paroles de ces kuffars orgueilleux et arrogants qui disent nous ne croirons, c'est-à-dire on ne va pas croire jusqu'à ce qu'on nous ait donné la même chose que ce qui a été donné au messager d'Allah. C'est-à-dire tant que nous-mêmes aussi on ne reçoit pas la révélation comme les messagers, on ne va pas croire. On veut nous aussi que les anges descendent sur nous et que la révélation descende sur nous, et là à ce moment-là oui on va croire, mais jusqu'à ce moment-là on ne va pas accepter de croire. Et c'est comme ça qu'ils s'élèvent et qu'ils refusent d'accepter la vérité et qu'ils s'enflent d'orgueil devant les messagers et devant leur Seigneur. Subhanallah. Le cheikh il dit ensuite il dit والكبر مرض خطير وقل من يسلم منه ولكن الانسان يقاومه بالتواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل. Il dit que la fierté, l'arrogance, l'orgueil, c'est une maladie qui est dangereuse et peu de gens en est épargné. Mais l'homme doit combattre cette chose en lui-même par l'humilité. Combattre l'orgueil qu'il a en lui-même par l'humilité, le fait d'être humble, et de se faire petit devant Allah, de se rappeler du fait qu'il est petit devant son Créateur, et donc il se brise devant son Créateur, il se casse devant son Créateur, il se rapetisse devant son Créateur pour se rappeler qu'il est une créature faible devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu al-musannif wa qawlu Allah ta'ala inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura mukhtalan min al-ikhtiyal wa huwa al-kibr wa qawluhu fakhuran yani al-fakhur هو الذي يفخر بنفسه وبآبائه وحسبه ونسبه ويفتخر على الناس بذلك وهذا الفعل ونحوه لا يحبه الله لأن الله يبغض المختال الفخور والاختيال والفخر من الكبر. Donc le cheikh il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité la parole d'Allah dans le verset qu'on a cité, le verset 36 et le verset verset 36 dans Surat al-Nisa, le verset 18 dans Surat al-Luqman. Il dit, il y a le verset 36 et le verset 18. Le verset 36 est dans Surat al-Nisa, le verset 18 dans Surat al-Luqman. Il dit dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah n'aime pas celui qui est mukhtal et celui qui est fakhour. Mukhtal et fakhour, c'est deux termes. Mukhtal qui vient du mot ikhtiyal. Ikhtiyal qui veut dire l'arrogance, l'orgueil, la fierté. Hein? Et fakhour. Hein? Fakhour, ça veut dire quoi? Celui qui est fier de sa personne. Il est fier de ses ancêtres, de ses parents, de sa lignée, hein, de sa généalogie, de sa lignée, de sa descendance, pas sa descendance, mais ça, de ceux y en a qui étaient avant lui, ceux qui l'ont précédé. Donc, comme ça, en voulant dire, moi, je viens d'une grande famille, famille noble, famille de tel niveau, tel statut, telle classe sociale. Donc, il s'élève devant les gens et il se vante, hein, devant les gens. Il se vante que, ah, moi, regardez de quelle origine je suis, de quelle famille je suis, de quel statut social je suis, hein, regardez qui était mon père, qui était mon grand-père, qui était mon arrière-grand-père, c'était des gens importants, des gens de telle classe, de telle famille, de tel niveau, et ainsi de suite. Ouais, mais si tu parles d'Abu Talib quand il a refusé d'accepter l'islam, est-ce que c'était à cause de la fierté? Probablement qu'il y a une part de fierté là-dedans aussi, parce que il a peur de perdre la face devant son peuple pour que les gens disent « Ah, il a abandonné la religion de Abdul Muttalib ». Donc, il ne veut pas que les gens disent ça. Donc, c'est un peu aussi à cause de peut-être la fierté. Yani, parce que c'est ce qu'il disait dans le poème. Il dit « لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لكنت سمحا بذاك مبينا » Ça veut dire que les raisons pourquoi il refusait de le dire, c'est parce que il avait peur de se faire blâmer par le peuple, puis de se faire insulter d'avoir quitté la religion de ses ancêtres. Donc il y a une part de fierté là-dedans aussi. Et donc al-ikhtiyal et al-fakhr, les deux font partie de al-kibr, c'est-à-dire le fait d'être orgueilleux, arrogant. Même dans le mot kibr en arabe, si tu regardes la forme, la racine, la lettre kaf, le ba et le ra, kibr, hein, bien, il y a aussi le sens de vouloir se faire paraître grand, hein, dedans, kibr, hein, comme tu dis kabir, ça veut dire grand, akbar, ça veut dire plus grand. Donc kibr, il y a le sens de ça aussi, hein. Oui, c'est ça, la folie des grandeurs, de vouloir se faire paraître plus grand que qu'est-ce qu'on est vraiment, ou des choses de ce genre. Et il dit, aussi le terme même dans le Coran, mustakbir. Mustakbir, en arabe, ça veut dire celui qui cherche à se faire grandir, à s'agrandir lui-même. Qui cherche à se faire paraître grand. Ou al-mutakabbir, celui qui veut montrer qu'il est grand, des choses comme ça. Hein? Naam, c'est dans ce sens-là. Il dit, wa kadhalika al-fakhr bil ahsab. Hein? والطعن في الأنساب فهما من أمور الجاهلية وقد أخبر عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. Donc le cheikh il dit qu'il y a, des, il y a également les exemples de ça qui sont mentionnés dans le hadith du professeur Hassan, c'est-à-dire le fait de se vanter de notre statut social, de notre noblesse ou des choses de ce genre, et aussi d'insulter l'origine des autres. L'insulter l'origine des autres ou bien d'où ils viennent ou de leur ethnie ou des choses comme ça, de leur origine, tu les attaques dans ça. Tu dis, ah, toi, t'es un esclave, ou toi, t'es un descendant d'esclave, ou toi, t'es un Africain, ou t'es un Noir, ou tu rabaisses les autres, hein. Ah, vous êtes de tel peuple, tel pays, vous êtes pas bon, hein, vous êtes pourri. Et nous, on est de telle origine, on est des gens élevés, on est des gens intelligents, on est des gens forts. Ça fait partie de la jahiliya. Ça fait partie de l'ignorance, des caractéristiques pré-islamiques. Et le professeur Hassan a dit, il y a quatre caractéristiques dans ma umma qui font partie des choses de la jahiliya que les gens ne vont pas cesser de faire, ne vont pas cesser d'avoir. Et la première chose qu'il a mentionnée, c'est justement le fait de se vanter de notre noblesse ou des choses de ce genre, ou d'insulter les gens dans leur origine, ou de chercher la pluie des étoiles, en demandant aux étoiles, ou bien de penser que la pluie vient des étoiles. Et an-niyahatu 'ala al-mayyit, c'est-à-dire la personne qui est morte, on fait des lamentations pour elle, on commence, ou bien on fait des éloges de la personne qui est morte au moment de sa mort ou des choses comme ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle an-niyaha. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et qui est rapporté selon Abu Malik al-Ash'ari. Abu Malik al-Ash'ari. C'est un hadith authentique. Quatre caractéristiques. Naam. Tu veux que je les répète? Ok. C'est al-fakhru bil-ahsab, le fait de se vanter de notre noblesse, de notre famille. At-ta'nu fil-ansab, c'est-à-dire tu attaques les gens et tu blesses les gens dans leur origine, hein. Et le quatrième, c'est al-istisqa bil-anwa, c'est-à-dire al-istisqa bil-nujum. Tu penses que la pluie vient des étoiles, tu demandes la pluie aux étoiles au lieu de demander à Allah. An-niyahatu 'ala al-mayyit, c'est-à-dire tu fais des lamentations pour les morts, tu leur demandes tu leur fais des éloges, ou bien tu pleures leur mort, hein. Ça fait partie de ça. Et il dit wa qawlu llahi ta'ala, ensuite il dit wa qawlu llahi ta'ala fala bi'sa mathwal mutakabbirin, yani fala bi'sa an-nar manzil man takabbara, hein, manzil man takabbara 'ala llahi wa lam yattabi' rusula li'anna an-nar maqamuhum wa jaza'uhum. فجعل النار جزاء للمتكبرين وهذا فيه التحذير الشديد من الكبر. Donc le cheikh il dit quel mauvais refuge que l'enfer, yani pour la personne qui s'enfle d'orgueil. Et c'est comme pour dire que la personne qui s'est enflée d'orgueil, eh bien, yani, elle n'a pas suivi le messager ou les messagers, et donc son refuge et sa rétribution, ce sera l'enfer. Donc Allah a fait de l'enfer le refuge pour les orgueilleux et les fiers, et ça c'est une menace pour la personne, hein, contre la fierté. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite un autre hadith ensuite. Le deuxième hadith dans le chapitre, ou bien plutôt après avoir mentionné les versets du Coran au sujet de Al-Kibr, il mentionne maintenant un hadith. Le premier hadith dans le chapitre, c'est selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhuma. An ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. C'est quoi ce hadith? C'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne qui a le poids d'une atome d'orgueil ou d'arrogance, de fierté, elle n'entrera pas au paradis. Elle n'entrera pas au paradis. La personne qui a un poids d'une atome de fierté, d'arrogance, d'orgueil. L'homme a dit, un homme a dit au messager d'Allah, si un homme aime que son vêtement soit beau et que ses chaussures soient belles, est-ce que ça aussi ça rentre dans la fierté? Et qu'est-ce qu'il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah est beau et il aime la beauté. Donc ça c'est correct. Mais la fierté et l'orgueil, l'arrogance, c'est quoi? C'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est ça l'orgueil. Et il a rapporté ça, c'est rapporté selon l'imam Muslim. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit: هذا فيه الوعيد الشديد من المستكبر وأنه لا يدخل الجنة ما دام في قلبه مثقال حبة من كبر حتى يمحصه الله عز وجل من هذا المرض. Donc le cheikh il dit que il y a une menace sévère contre la personne qui est orgueilleuse, arrogante et fière, qu'elle n'entrera pas au paradis tant que dans son cœur il y a une atome de fierté, d'arrogance et d'orgueil, jusqu'à ce que Allah l'ait purifié et nettoyé de cette maladie. فلما سأله الرجل أن المرء يحب أن يظهر بمظهر حسن سواء كان ذلك في ثوبه أو نعله بين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يدخل في باب الكبر فقال إن الله جميل يحب الجمال فقوله جميل هذا فيه وصف الله جل وعلا بأنه جميل ويحب الجمال من خلقه وأن عليهم أن يتجملوا ويتزينوا ليظهروا بمظهر حسن وليشكروا نعمة الله عليهم خصوصا إذا جاءوا إلى المساجد والمجامع ولهذا يندب للمسلم أن يتطيب ويدهن ويلبس من أحسن الثياب ليبدو في أحسن مظهر شكرا لله تعالى. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que un homme a demandé, donc est-ce que, en voulant dire, il aime être avec une belle apparence, peu importe que ce soit dans ses vêtements ou dans ses sandales, ses chaussures, il aime avoir une belle apparence. Est-ce que ça rentre dans la fierté, l'arrogance et l'orgueil? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est beau et il aime la beauté. Allah est beau et il aime la beauté. Alors la parole, quand il dit que Allah est beau, ça c'est une description d'Allah. Ça veut dire que c'est une des attributs d'Allah, c'est qu'il est beau. Et il aime la beauté chez sa créature. Et donc, ils doivent s'embellir, se parer, porter des beaux vêtements, d'une belle apparence. Et ils doivent également être reconnaissants envers la grâce d'Allah sur eux, en particulier lorsqu'ils viennent à la mosquée et lorsqu'ils viennent dans les endroits et les lieux de réunion. Et ça, c'est quelque chose qui est recommandé aux musulmans, de se parfumer, de se huiler les cheveux, hein, pour avoir une belle apparence. Et ils portent les plus beaux vêtements pour paraître dans sa plus belle apparence possible et pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit « Wa amma qawluhu al-kibru batr al-haq wa ghamta al-nas » معناه بطر الحق يعني معنى فمعنى بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله وغمط الناس أي احتقارهم فلا يشترط في المتكبر أن يكون مظهره غير جميل فلا يشترط في المتكبر أن يكون مظهره غير جميل بل يشترط فيه أن لا يبطر الحق ويمغط الناس. Donc le cheikh il dit, la fierté, il a expliqué, le professeur Anselme a donné la définition de l'orgueil, de l'arrogance, qu'est-ce que c'est. Il a dit, l'arrogance et l'orgueil, la fierté, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les hommes, mépriser les gens. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? En arabe, batr al-haq, ça veut dire tu repousses la vérité, tu rejettes la vérité, tu ne veux pas l'accepter. Hein? Et peu importe la raison, peu importe la raison pour laquelle tu la rejettes. Des fois, par exemple, quelqu'un va te dire la vérité, tu refuses de l'accepter. Et tu cherches des prétextes par la suite pour justifier pourquoi tu le rejettes. Tu dis, je n'accepte pas la vérité parce que ça vient de lui. Ça vient de telle personne. Et lui, je ne veux pas accepter la vérité de lui. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas accepter? Parce qu'il est plus jeune et moi je suis plus vieux. Parce qu'il est de telle origine et moi je suis de telle origine. Hein? Ça c'est des raisons pour pas accepter la vérité. Hein? Parce que l'âge de quelqu'un, parce que la couleur de quelqu'un, parce que l'origine de quelqu'un, hein? À cause de ça tu refuses d'accepter la vérité. Ça, c'est des prétextes. Hein? Donc, ça, c'est l'orgueil, l'arrogance qui pousse la personne à agir comme ça. Donc, il dit le cheikh également, « وَغَمْتُ النَّاسِ أَيْ اِحْتِقَارُهُمْ » اِحْتِقَارُهُمْ. Ihtiqar, ça veut dire tu méprises les gens. Tu vois les gens comme si c'était des fourmis, comme si les gens n'ont pas de valeur. Hein? Ihtiqar. Hein? Donc, « غَمْتُ النَّاسِ » c'est le synonyme de ihtiqar nas. Hein? Donc le cheikh dit ghamtu nas ay ihtiqaruhum yahtaqir. Allah subhanahu wa ta'ala, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith bihasbi mri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim. Yani c'est suffisant comme péché, comme mal pour un musulman, hein, pour quelqu'un de mépriser son frère. Donc c'est grave. Et donc le cheikh il dit, c'est pas une condition pour que la personne soit arrogante et orgueilleuse qu'elle ait une belle apparence ou qu'elle soit qu'elle ait pas une belle apparence pour que tu dises que la personne elle est mutakabbir. C'est-à-dire que son apparence, si elle a pas une belle apparence ou qu'elle a une apparence, c'est pas ça la question. La question c'est, est-ce qu'elle accepte la vérité, oui ou non? Si la personne elle refuse la vérité, c'est un signe d'arrogance. C'est un signe d'arrogance. Et si elle méprise les gens, eh bien ça aussi c'est un signe d'arrogance. Hein? Elle n'accepte pas la vérité, c'est un signe d'arrogance. Et elle méprise les gens, c'est un signe d'arrogance. Mépriser c'est quoi? C'est comme si tu dénigres quelqu'un. Tu le vois comme s'il était rien, comme s'il était petit, comme s'il n'avait aucune valeur. Comme si c'est quelqu'un qui est comme une fourmi devant toi. Puis que toi, t'es comme le grand, le fort, le beau, le plus, hein, tu connais plus. Oui, et donc tu la méprises. Non, le musulman, il doit être humble. Même si t'es le plus grand savant du monde, et que t'as le plus de ilm au monde, tu dois être le plus humble. Tu dois pas t'élever sur les gens, mais tu dois être... et aller petit devant Allah et montrer que cette science c'est une petite part de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala il connaît tout. Donc tu dois être humble devant ça et comprendre que même si tu penses que tu sais beaucoup, en réalité tu sais peu. Hein? Donc c'est ça que ça veut dire. Eh naam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hein, من تواضع لله رفعه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah va l'élever. C'est pas toi-même tu dois t'élever devant les gens. C'est Allah qui va t'élever s'il veut. Mais si toi tu cherches à t'élever, Allah il va te rabaisser. Hein? Et non, celui qui cherche à s'élever devant les gens, Allah va le rabaisser. Celui qui est humble, Allah va l'élever. Donc c'est pas, c'est sûr que il faut que ce soit quelque chose que tu fais pour Allah, pas pour montrer aux gens. Si tu joues à l'humble, hein, tu fais la fausse humilité, comme on dit, la fausse humilité, la fausse modestie, pour montrer que tu es humble, ça Allah il va pas te récompenser pour ça. Mais il faut que ce soit sincère pour Allah. Et le cheikh il dit ولا بد من الإشارة إلى أن التجمل لا يعد كبرا. Il dit c'est important d'indiquer que le fait de s'embellir, ça fait pas partie de la fierté, de l'arrogance. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ليس معناه أنه على الإنسان أن لا يتجمل أو لا يطلب الرزق ولكن معناه أن يتجمل من غير كبر ويتجمل في ملبسه وجسمه وهيئته ومظهره لأن الله جميل يحب الجمال والكبر في القلب لا في الجسم فقد يكون الإنسان رثا وسخا ولكنه متكبر والعياذ بالله دونك وقد يكون نظيفا جميلا بهيا وهو متواضع لله سبحان الله الشيخ يمان بون بوين سي. Il dit, il faut bien faire attention que l'apparence, le fait de s'embellir, ça veut pas dire que tu es une personne fière si tu t'embellis. Il dit, parce que la signification du hadith qu'on a lu dans le chapitre précédent, que Allah il ne regarde pas vos apparences et vos richesses et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions, ça veut pas dire que tu dois pas t'embellir. Et ça ne veut pas dire non plus que tu ne dois pas chercher à posséder des richesses ou du bien ou avoir de l'argent. Non, il dit la signification de ce hadith, c'est que tu dois t'embellir, mais sans fierté, sans arrogance. Tu dois t'embellir sans chercher à être orgueilleux et arrogant. Et il dit, le cher, ça ne veut pas dire non plus donc que tu ne cherches pas la richesse. Tu peux chercher à avoir des biens, de l'argent, de la richesse et des belles choses, pas de problème. Mais en restant humble, en restant modeste. Et il dit donc, un yatajammal min ghayri kibr wa yatajammal fi malbasi. Donc tu vas avoir des beaux vêtements, tu vas avoir un corps qui est avec une belle apparence, une belle forme. Hein. Et il dit Allah, il est beau et il aime la beauté. Donc il n'y a pas de mal d'être beau ou de s'embellir. Et il dit que la fierté en réalité et l'arrogance et l'orgueil, c'est pas dans le corps, c'est pas dans l'apparence, c'est dans le cœur. C'est ça le danger. Et donc il dit, c'est possible que quelqu'un soit complètement qu'il soit délabré. Hein? Il donne aucune importance à ses vêtements, à son apparence. Il n'ait pas une belle apparence. Hein? Il soit sale, ses vêtements sont sales, sont laids. Et que dans son cœur, il a de l'arrogance. Et qu'il est orgueilleux et fier. Hein? Même si que dans ses vêtements, il est sale. Donc, c'est pas la question de l'apparence seulement. Le cœur, il peut être, dans ce cas-là, rempli d'orgueil, malgré que la personne, ses vêtements ne sont pas propres. Donc, voilà, yazou billah. Dans le sens que la personne, elle a des vêtements sales, des vêtements délabrés, mais qu'elle rejette la vérité. Et elle méprise les gens. Donc, et il dit le contraire aussi. Peut-être qu'une personne peut être très propre, très belle, hein, et elle est humble et modeste envers Allah. Le cheikh il dit ensuite, والرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس جسما ومنظرا وأطيب الناس رائحة فليس معنى هذا أن كل من كان جميلا اعتبر متكبرا وإنما هذا يرجع إلى القلب وليس كل دميم يكون متواضعا لله فقد يكون المرء عائلا ومع ذلك يكون مستكبرا والعائل يعني الفقير وهذا من أبغض الناس عند الله عز وجل عائل مستكبر في الحديث موجود. Donc le cheikh il dit que يعني c'est le messager d'Allah, c'était la personne qui était celle qui avait la plus belle apparence et le plus beau, hein, plus belle forme physique, et il était parmi les gens qui avaient la plus bonne odeur. Hein, il aimait sentir bon. Et ça, il dit, ça ne veut pas dire, donc, ça ne veut pas dire que toute personne qui est belle en apparence, il est automatiquement modeste, automatiquement orgueilleux. Non. Hein, ça revient au cœur. Donc, il dit, et ce n'est pas toute personne qui est laide qu'automatiquement elle est modeste envers Allah. Peut-être que la personne, elle est pauvre, et en réalité, elle est orgueilleuse. Et ça, c'est une des personnes que Allah déteste le plus. La personne qui est pauvre et qui est arrogante et orgueilleuse. A'ilun mustakbir. Hein? Ça, c'est mentionné dans le hadith. Naam. Donc, ensuite, le cheikh, il dit, wa kathirun min al-nas la yakbalun al-haq. ولا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قيل لهم قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتقبلون بل يتبعون أهواءهم وشهواتهم أو من يقلدونه من رؤسائهم وزعمائهم وقادتهم فهم يتعاملون مع الآيات والأحاديث من باب التبرك أما العمل فلا يعملون إلا إذا إلا ما يخطط لهم رؤساؤهم وقادتهم حتى إن بعض طلبة العلم عندما تقول له أنت مخطئ والدليل كذا لا يقبل فهذا من باب الكبر. Le cheikh il dit, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas la vérité. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit, si tu leur dis, Allah a dit, le messager a dit, ils n'acceptent pas. Il dit, ils préfèrent suivre leurs passions et leurs désirs, ou de suivre ceux qu'ils suivent aveuglément parmi les chefs qu'ils ont, ou les personnes qu'ils ont pris comme chef ou comme représentant. Donc ils agissent de cette façon-là avec les versets et avec les hadiths. C'est comme s'ils prennent les versets et les hadiths seulement pour avoir une bénédiction. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils récitent les versets dans le Coran, ils récitent les hadiths, mais pas pour les appliquer, pas pour les mettre en pratique, juste pour la baraka, et juste pour avoir la bénédiction de le lire. Hein? Allah al-Musta'an. Et il dit que quand c'est le temps de l'application, ils ne l'appliquent pas. Hein? Ils font juste qu'est-ce que leur chef, leur représentant ou leur guide, leur a dit de suivre. Il dit que même certains étudiants en sciences, quand tu lui dis tu as fait une erreur et voici la preuve, il n'accepte pas. Il dit ça rentre dans la fierté. Ça rentre dans la fierté. Il dit لأن الواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يبادر للأخذ به لأنه لو علم الحق ولم يأخذ به أصيب بالزيغ والعياذ بالله ولهذا قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فالذين تبين لهم الحق ولم يقبلوا به يخشى أن يختم على قلوبهم فتصبح لا تقبل الحق عقوبة لهم. Donc ça c'est grave. Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, subhanallah, que yani, l'obligation pour le musulman, c'est que lorsque la vérité t'a été clarifiée, tu dois l'accepter. Et tu dois te précipiter et te dépêcher à accepter la vérité et à prendre la vérité. Pourquoi? Parce que si tu connais la vérité mais que tu ne la prends pas, tu risques d'être frappé par la déviation dans ton cœur. Allah, il risque de dévier ton cœur à cause de ça. Il dit, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 5, dans surat As-Saff, hein, Allah, il dit, et lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur, à propos de, des juifs. Et il dit dans le verset 110, dans surat Al-An'am, et nous faisons tourner leur cœur et leur vue, comme ils n'y ont pas cru la première fois, hein, en voulant dire que comme ils n'ont pas voulu croire en qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré la première fois, eh bien il fait tourner leur cœur, il les fait dévier à cause de ça. Donc le cheikh, il dit, celui qui on leur a clarifié la vérité, ils ne l'ont pas accepté, donc c'est à craindre pour eux que Allah scelle leur cœur, hein, et que à cause de ça, par la suite, ils ne soient plus capables d'accepter la vérité par châtiment et par punition pour eux, pour avoir rejeté la vérité. Naam, naam. Et le cheikh, il dit, wa rawa al-Bukhari, il y a un autre hadith, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il cite un autre hadith dans le même chapitre. Il dit, وروى البخاري عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر والعتل الغليظ الجافي والجواظ قيل المختال الضخم وقيل القصير البطين وبطر الحق رده إذا أتاك وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. Donc le cheikh, il dit, l'imam al-Bukhari le rapporte, selon Haritha ibn Wahb, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous mentionne, que je vous informe de qui sera les habitants de l'enfer? Alors, il a dit, c'est toute personne qui est utul. Utul, c'est-à-dire une personne qui est rude, hein, qui est dure. Hein, personne rude, dure. Utulun, kull utulun, la personne qui est rude. Jawaz, al-jawaz, qu'il al-muhtal al-dakhm, c'est-à-dire on a al-jawaz, c'est-à-dire la personne qui est fière et qui est grande, costaud, forte, hein, physiquement. Ou bien on a dit également la personne qui est petite mais qui est qu'elle a du ventre, hein, qui, comme la petite et grosse, costaud, comme, hein. وَبَطْرُ الْحَقِّ et de rejeter la vérité. Ça veut dire, yani, lorsque elle te vient, tu la refuses. بَطْرُ الْحَقِّ. Non. Jawaz, c'est la personne qui est fière et costaud, grande, hein? Physiquement, grosse, grand et gros. Ou petit et ventru, avec une personne qui a du ventre et qui est courte. Petite de taille. Mais Batr al-Haq, on explique le fait de rejeter la vérité. Waramt al-Nas, ça veut dire mépriser les gens, les rabaisser. Le Cheikh al-Fawzan, il dit, wa fi hadha al-hadith ma'na al-kibr, wa annahu Batr al-Haq, waramt al-Nas. Wa hadha tafsir min al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, فالذي لا يقبل الحق مستكبر، وكذلك الذي يحقر الناس مستكبر. وقد ساق المصنف رحمه الله بعد ذلك معنى كل من العتل والجواز. Donc le cheikh il explique dans ce hadith que qu'est-ce que ça veut dire la fierté et l'arrogance, et que c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et ça c'est l'explication donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné de la fierté et de al-kibr. Et donc la personne qui refuse la vérité, elle est orgueilleuse et arrogante. De même que la personne, wa alaykoum salam wa rahmatullah, de même que la personne qui méprise les gens, elle est arrogante et fière. Oh, barakallahu fik. Jazakallahu khairan, mashallah. Donc le frère, il dit qu'il a ramené des beignes et du thé. Donc il n'a pas besoin de sortir pour aller les chercher. Et l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a expliqué en même temps qu'est-ce que signifie al-utul et al-jawaz. Donc on l'a lu, on l'a expliqué. Ensuite, il dit Wali Ahmad wa sahahahu wa ibn Hibban min hadith Abi Sa'id. Wali Ahmad wa sahahahu ibn Hibban min hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu man tawadha daraja رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل السافلين. Donc le cheikh il dit également, c'est rapporté par Ahmad et il a été authentifié par Ibn Hibban. Parmi les hadiths de Abu Sa'id ibn al-Khudri, radiyallahu anhu, ça dit, celui qui a fait preuve d'humilité, ou d'un degré d'humilité, Allah va l'élever d'un degré. Jusqu'à ce que, s'il continue, il va être dans les plus hauts degrés des aliyin, dans le paradis. Et celui qui fait preuve d'arrogance et de fierté, et qui s'élève, qui s'élève devant Allah subhanahu wa ta'ala d'un degré, Allah le rabaisse d'un degré, jusqu'à ce qu'il descende dans le plus bas des bassesses, dans l'enfer. Et le cheikh il dit Aliyun, cheikh al-Fawzan il explique Aliyun ismun ashraf al-jinan wa hiya lil mutawadi'in al-mu'minin as-sadiqin kama anna سجيناً سجيناً يعني شر النيران في أسفل السافلين وهي للكفار والمنافقين والمستكبرين فبئس مثوى المستكبرين لأنهم تكبروا فوضعهم الله وأذلهم وأولئك تواضعوا فرفعهم الله وكرمهم في أعلى عليين. Donc, Aliyun, c'est un des noms de l'endroit le plus. De l'endroit du paradis qui est le plus élevé et le plus noble. Le plus beau, le meilleur endroit dans le paradis. On l'appelle Aliyun. Et c'est l'endroit où les croyants humbles et véridiques vont être. De même que Sidjin. C'est l'endroit le plus mauvais de l'enfer, dans les plus basses profondeurs de l'enfer. Et c'est un endroit pour les kuffars, les munafiqins et les gens qui s'enflent d'orgueil. Et quelle mauvaise destination que la destination des gens qui s'enflent d'orgueil. Pourquoi? Parce que se sont enflés d'orgueil. Allah les a rabaissés et humiliés. Et les autres, les croyants, ils ont fait preuve d'humilité et Allah les a élevés, il les a anoblis, et élevés au plus haut degré et au plus haut niveau. Ensuite, le cheikh il mentionne un dernier hadith dans le chapitre. C'est un hadith rapporté par At-Tabarani an Ibn Umar radiyallahu anhuma wa rafa'ahu. Rafa'ahu, ça veut dire, il l'a attribué au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. hadith marfou, hein, c'est-à-dire qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'il est authentique, ça peut être marfou puis daif en même temps, mais ça veut dire qu'il l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walid Tabarani an ibn Umar radiallahu anhu ma rafa'ahu iyakum wal kibr fa inna al kibr yakunu fil rajul wa inna alayhi al-aba'ah. رواه ثقات رواته ثقات. Il dit que At-Tabarani rapporte selon Ibn Umar il rapporte selon Ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'arrogance, la fierté, parce que la fierté elle sera chez l'homme et il aura wa inna alayhi al-aba'a. On va lire l'explication pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par inna alayhi al-aba'a. Al-aba'a, c'est la couverture, hein, le vêtement que quelqu'un porte, il se couvre avec, même le vêtement que la femme porte, comme le djilbab, on l'appelle aba'a aussi. Mais ici, bon, on va lire l'explication, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Al-Fawzan. Il dit: هذا الحديث بيان لحال بعض الناس المستكبرين ومن ذلك المرء تكون عليه العباءة من شدة الحاجة وضنك المعيشة وقلة الشيء العباءة. ومع ذلك لا تمنعه حالته هذه من التكبر، فهو فقير وعليه عباء مرقعة وهو يعني متكبر. Donc c'est ça. Donc il dit que la fierté, elle peut être sur l'homme même s'il a un vêtement sur lui qui est pas un vêtement qui est riche ou qui est beau, hein? Il est délabré, il est pauvre, mais malgré tout il est quand même orgueilleux et arrogant et fier. Donc ça, c'est un exemple de, il y a quelque chose qui fait partie des grands péchés, hein, des grands péchés. Et il dit: وفي المقابل قد يكون الرجل عليه ثياب جميلة. Il dit en opposé, l'opposé de ça, c'est possible aussi, peut-être que la personne va avoir un beau vêtement, وذو منظر حسن, une belle apparence, وهو عابد لله تعالى متواضع, et c'est un adorateur d'Allah, il est humble. وجاء في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. Ça, c'est un hadith qui est dans le kitab al-Tawhid. Le Cheikh, il cite ce hadith. Il y a trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur parler au jour de la résurrection. Il ne va pas les regarder, il ne va pas les purifier. Et ils auront un dur châtiment. C'est qui ces trois personnes? Ushaymitun zanin. Ça veut dire une personne qui est âgée, puis qui fait le zina. Alhamdoulilah. Hein? Habituellement, la personne âgée, elle est plus respectueuse, plus pieuse. Mais il y a des cas comme ça. Ushaymitun zanin. Allah musta'an. Wa a'ilun mustakbir. Un pauvre, mais qui est orgueilleux et arrogant et fier. Et la troisième personne, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné un bien, il le vend, il ne fait que. C'est quand il vend ou il achète, il vend que par en jurant et en faisant des serments. Comme s'il vend, il dit: Wallahi, je te jure, ça c'est. Chaque fois, il fait une transaction, il achète ou il vend, il le fait seulement par. En jurant, hein, et en faisant des serments. Donc le cheikh explique, il dit: wa qawluhu ushaymitun zanin ay kabir as-sin az-zani falaw kana shabban faruubama yuqal ghalabat alayhi ash-shahwa walakin hadha كبير في السن وهذا دليل على حبه للزنا وإنما قال بحقه وشيمة زان تحقيرا وتصغيرا له. Donc le cheikh explique que Ushaym ibn Zanin, ça veut dire la personne âgée qui fait le zina. Dit si c'était un jeune, peut-être qu'on aurait pu comprendre. Hein. On dit ah ben le jeune, il a un désir très très fort, donc il est tombé dans le zina par sa passion. Tu sais, il est jeune, c'est normal. Alhamdulillah, c'est pas normal. Mais en voulant dire, c'est, les gens comprennent plus un jeune qui fait le zina qu'un vieux. Hein, qui va courir après les filles, qui va faire le zina avec des femmes. Yani, subhanallah. Alors, il dit, ça prouve que la personne, elle est vieille, mais elle aime beaucoup le zina. Puisqu'elle est vieille, puis elle fait quand elle continue à le faire. Et même pour le mépriser, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Oshaymit. Hein, le mot c'est Ashmat. Hein. Oshaymit, c'est la forme rapetissée de Ashmat. En voulant dire, pour le mépriser, il a dit c'est un petit vieux. Hein? Comme on dit même les koufars, ils disent ça. Regarde le petit vieux, un petit vieux qui est pervers. Il fait le zina. Ushaymit, ashmat. Tahqiran, tasriran lahu. Donc pour le rapetisser, pour le mépriser, le professeur se m'a dit Ushaymit. Ashmat, c'est la forme normale. Ushaymit, c'est la forme rapetissée. C'est comme Kitab, c'est un livre. Regarde, Ashmat, Ushaymit. C'est la forme petite. En arabe, tu peux rapetisser quelque chose en changeant la forme. Hein? Salman, Suleyman. Hein? Kitab, Kutayib. Kalb, Kuleib. C'est comme ça, c'est une forme en arabe. Tu rajoutes le ya, en tout cas tu changes la forme, puis ça devient petit. Après, le cheikh il dit, non, c'est pas abrégé. C'est pas abrégé dans le mot. C'est pas le mot lui-même qui est rapetissé. Même on rajoute une lettre, donc c'est pas raccourci, c'est allongé. Mais pour dire quelque chose qui est petit, par exemple. Un chat, en arabe, on va dire hir. Mais un petit chat, hurayra. Hein? Hurayr. Hein? Hir, hurayr. Donc, pour dire que, quand tu veux dire quelque chose qui est petit, tu peux changer la forme pour le faire petit. En le disant de façon petit. Donc, c'est comme les exemples que j'ai donnés. Kitab, un livre. Mais si c'est un petit livre, tu vas dire Kutayb. Hein? D'accord. Bon, par exemple, un autre exemple. Tiflun, tu fail. En tout cas. Wa qawlu. Un petit enfant. Tiflun, c'est un enfant. Tu fail, un petit enfant. Hein? Naam. Wa qawlu huwa a'ilun mustakbir. A'ilun mustakbir. العائل الفقير فربما يتكبر الغني بماله ولكن هذا فقير ليس لديه شيء يحمله على التكبر فدل على أن الكبر من سجيته وطبيعته فالكبر رداء الله لا ينبغي لسواه ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى من نازعه إياه بالعذاب الأليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما فقذفته في النار أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وهو في مسند أحمد. Donc il dit le cheikh est un pauvre qui est fier, arrogant, orgueilleux. Il dit le pauvre. Hein? Il dit si c'est quelqu'un qui est riche, qui est orgueilleux et arrogant, tu comprends parce que la personne elle a de l'argent, donc elle se pense fière. C'est plus compréhensible, plus habituel. Tandis qu'un pauvre, Il n'a rien qui le pousse à être orgueilleux et arrogant. Malgré tout, il est fier et arrogant. C'est la preuve que ça fait partie de sa nature et de sa personnalité. Donc ça, c'est la preuve que c'est grave. Et donc, le cheikh, il dit donc, la fierté et l'arrogance, et l'orgueil, la fierté et l'arrogance, c'est des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit de le porter, excepté lui. C'est le, il dit la fierté la fierté et l'arrogance, hein, c'est mon manteau. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit la fierté, c'est mon manteau. Et personne d'autre que lui n'a le droit de le porter. Et il a même menacé celui qui lui dispute, hein, ce manteau, hein, ou cette fierté, celui qui essaie de lui disputer cet attribut ou cette caractéristique, il le châtiera dans un châtiment douloureux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah tabaraka wa ta'ala dit: la fierté et la grandeur est mon manteau, et la grandeur est mon vêtement, hein, mon izar. Celui qui me le dispute, hein, ou qui me dispute un des deux, soit al-kibriya ou al-azama, la grandeur et la fierté, l'arrogance et la grandeur, si quelqu'un me le dispute, eh bien je le jette en enfer. Walhamdulillahi rabbil alamin. Parce que pour une créature, d'être arrogante, ça ne convient pas. Ce n'est pas convenable. Pourquoi? Parce que la créature, elle est faible par elle-même, par sa nature. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, le tout-puissant, le grand. Il mérite d'avoir cette caractéristique-là parce qu'il est, il a tous les attributs de perfection et de grandeur. Donc, c'est sa caractéristique et ça fait partie de ses attributs et de son être. Donc, il est grand et c'est son manteau. Si quelqu'un essaie de s'élever, subhanallah. Moi, je regarde, il y en a par exemple, je viens d'avoir, ça fait pas longtemps, un petit garçon, un bébé, hein, un petit enfant. Tu le vois, il pleure. Il peut même pas manger tout seul. Il peut pas, quand il fait sur lui ses besoins, il faut que tu le nettoies. Hein, et il peut rien faire tout seul. Et tu dis, subhanallah, ce kafir qui est aujourd'hui, qui mesure 7 pieds, 6 pieds, et qui est costaud, qui pèse 300 livres, hein, ou 300, je ne sais pas combien de kilos, il est tout musclé, fort, il rejette la foi en Allah. Quand il est né, il était comme ça lui aussi. Il pleurait, il faisait sur lui, c'est sa mère qui lui change sa couche. Il était rien, hein, et aujourd'hui, regarde, il devient un petit peu plus, hein, puis il s'enfle d'orgueil. Subhanallah, pense à ton origine. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il mentionne dans le Coran des versets. Hein, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi sur leur origine? Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi, hein, comme de quoi ils ont été créés? Qutila al-insanu ma akfara min ayyi shay'in khalaqa. Maudit soit l'homme, comme il est ingrat. De quelle chose l'avons-nous créé? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. D'une nutfa. Donc c'est pour te dire que l'origine de l'homme, elle est tellement humble, ça devrait le pousser à rester humble. Mais non, il s'élève, il s'enfle d'orgueil. Toi aujourd'hui, si tu es fier, pense à ton origine. Pense qu'à un jour là, tu faisais dans ta couche, c'est ta mère qui change ta couche pour toi. Hein? Et tu pouvais rien faire sans ta maman qui te nourrit, qui s'occupe de toi. Donc aujourd'hui, tu t'enfles d'orgueil. A'udzubillah. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. Et puis on continuera le prochain cours, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.